Oui, mes chers amis, bonjour, bonsoir, excusez-moi. Oui, je disais bonjour, bonsoir, et c'est Kabozo Landabiso. Ezali ngalisusu mwanangulia kama, meniko ngukia njikola, le drago rouge. Na ye, juste pour na moi, vidéo oyo yamuke ko expliquer ko yebisabino que je suis venu dans la résistance congolaise avec un esprit saint ndenge naza awa ko banda papa nangai bancêtre nangai famille nyonso ya ngai mutu mokote. Moutou mokote ayiba même un centime. Ya contribuable congolais ou bien yaba congolais. Moutou mokote. Moussala nanga nyonso ndenge na salaka ko salisa ba refugié. Na joaka un centime na bangoti. Na tikala ko salaka nyotete. Natikala kosala na gouvernement congolais te na yiba mbongo na bango. Bana na ngai bazali ko évoluer très bien. Très très très bien. Na mbongo ya congolais te. Na kombo ya congolais te. Mais na yebisaki bino ke mutu nyonso oya ko telemela Dragon Rouge. A cause de la réponse na ye. Na salaka blague te. Tout ce que je vous dis, ce qui bon moninga na ye na sali vidéo, na yebisi bino makambo, c'est vrai. Na zan a tenté a cause de l'aventure. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Batubele babenga ngai ya prof otika kanyot na defo, boma kanyot, oui. Na boma ba kanyot. Parce que, lelo oyo boyebi ke batu bazo souffrir mingi na mboka na biso. C'est vrai. Batu soki bazali ko souffrir, ba oyo bazali na motema mawa, ba koki ko organize kanyot, batu ba contribuer po ba sali sa moto aza na souffrance ou bien na difficulté quelconque. Mais epayi na biso na niveau ya Congo, c'est à ciel ouvert. Félix na Kabila bazali ko zwa mbongo ya contribuable congolais ndenge balingi. Au niveau de la diaspora, bako yiko zwa mbongo na ya contribuable congolais te na trésor public te na Congo, impossible. Ils se sont trouvés un moyen d'escroquer ba citoyen congolais ya diaspora. Na lobaka yango, na koyebisa bino toujours na kotelemela yango. Tango na zoyebi sabino, bondi makangai te, bofinga kangai, no ye, acharnement, oh ye, makambo azoloba, oh ye, pourquoi olingi mutu te, to lingi mutu nyonso. La résistance ezali sacrifice. On ne peut pas faire une résistance étant pauvre. Okokate. Ko sa la résistance, il faut avoir des moyens. Ba moyen, ezaka ka moyen financier te. Moyen intellectuel, il faut être à la paix. Bondi mela angati. Okende mukuse. Tout le monde boyebi papa na biso, yaya na biso, ndeko na biso, oncle na biso, Honoré Ngbanda atika biso. Honoré Ngbanda famille na ye. Honoré Ngbanda famille na ye biologique. Famille na ye politique. Bazangi moyen te. Bazanga ki moyen te akokunda ye. Je répète. Famille biologique ya Honoré Ngbanda. Famille politique ya Honoré Ngbanda. bazanga ki moyen te, bazanga ki mbongo te, ya kokunda ye. Famille biologique bazana mbongo. Famille politique bazali ebele lelo kaka nonce na minute. Bako yiko organize, bakontribuye mbongo, bakundi honore mbanda. Ako mbanda ko sala deux jours teke no, mbongo akokunda ye ezate jamais. Jamais alors. Mais voilà, ben scro na diaspora ndenge na ebisa kabino ba s'organiser na kombo yonore Mwanda, ba organiser ba cagnotte cotisation pona liwa ya Honoré Mwanda ba pona matanga na ye. Bato oyo ya se ya CNPP o maboma ya Congo na Congo kuna eza centre ni CNPP. CNPP siko o ya Europe ya diaspora. CNDP, CNDP, CNDP ou bien quelque chose comme ça. Po bango nyoso na oya Congo, na CNDP, na oya Congo, bato maboma wana centre na bango. Le contenu c'est le même. Odombo. Po ngala bomba kati. Na okende te, na kende ko bata manasima ou bien na utiliser ba parabole. Non. Il faut qu'on benga ndoki na kombo na ye Odombo na muninga na ye qu'on appelle si c'est Bob Congo, si c'est Bob Congo. Ils ont organisé une cagnotte na kombo ya Honoré Mwanda. Bazwa 11 000 dollars, non 11 000 euros, 11 000 euros bazwa balia lelo o tozali koloba. Famille mokote ya famille biologique mokote Honoré Mwanda bazwa même 1 euro. Famille mokote Honoré Mwanda, famille politique Honoré Mwanda bazwa même 1 euro. Mbongwe bungi entre Odombo na basi na ye oboyoka ba finga ka yombi. 11 000 euros e bunga balia. Lelo ba révélation ye kobima mbongwe za wapi? Oh non, mbongo, bapesa kibiso te, to zongi sa mbongo. Bola ki sa ba preve, bo zongi sa mbongo e pa ya nani. Paske, mbongo wana bazwa ki yango na kanyote oba benga ka GoFound. Na GoFound, so bapesa bino mbongo te, mbongo e zongi e pa ba contribuable. Ba preve zalaka, entel apesa ki 50 euro, to zongi si. Entel apesa ki otant, to zongi si. Entel apesa ki otant. Ya bango tozongi si mbongo e pa ya nani bazongi si mbongo. Mbongo balia 11 000 euros. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand même, tozali na bato na diaspora na biso. Excusez-moi, nazo luka document. Tozali na bato na diaspora na biso oyo quand même qui mérite respect. Nonobstant ba divergence na biso politique ou bien ya kimoyibi, bazali ko mérite respect. Mutuloko la Freddy Mulongo. Congolais nini ya diaspora ye biyete ke si on parle ya journalisme na mboka na biso na Congo, na diaspora, batuloko la ba Freddy Mulongo, bazali batu, ifuto pesa ka même moi respect. Même si omeli matiti ya mabe. Même si omeli matiti ya mabe. Respect wane fweza la toujours. Révélation et outi na yeba ki biloko na banda kala. Na boya ki na finga malisusu. Na linga ki bango moko kuna na diaspora ya Europe, ba bimisa yango. Tellement les gens na Europe kuna ba banga ka Odombo, ba banga ka ba Bob Congo wana na yebite makofi yango ba beta ka batu ya ndingi nini na yebite. Tout le monde tremble devant Odombo. Mais c'est un petit vanipier qui n'a rien alors. Ndakuna ya vandaka, nazwa ba dokiman yon sona manager ya social. Ndakwa la ya social avandaka, na ndaku ya social. Avandaka na ndakwa social, studio ya social. Na yebi na address, na mundela za manager na dossier na ye, na social, na yebi. Bon, c'est la vie privée, moi yena kota na makambwa nezate. Mais je connais tout. Voilà les documents ya Freddy Moke na page ya Freddy Mulongo yangoyo Freddy Mulongo. Vous allez suivre l'histoire ya cagnotte bazwa 11 000 euros. 11 000 euros na lobi bien balia. Na ebisa kibino. Dragon Rouge basakalanga na yete. Baya kobimisa mbongo totala. Baya na justification totala. Me, na nyoso oyo zoba se le Congolais. Zoba se le Congolais. Na nyoso zoba se le Congolais. Ah, yombi, mutu pamba, ayebanite, alata, alala akutu na balabala. Yombi, fami kutu bayebanite, fami kutu babola, bavanda kana balabala, ndako kwa vanda kutu ezate. Ah, medi, ekute, nagoyebi sabino, batu nyoso, ba mona ki, par exemple, cette histoire, excusez-moi, je vais en finir là. Corée bayé qu'organiser événement moko basala ango chaque 3 ans oyo mboka mobimba bakutana ka na stade plein na Séoul po na ko annoncer batu oyo ba improvement donc ya société. Me baye ko pona, bana mi bale, oyo bako anime sware wana, ezalaka Black Tea, na katia bana wana, bana ya Dragon Rouge. Boli misangai? Boli, on a pidi? Bola. 빼놓을 수 없는 콘텐츠가 됐죠. 그렇죠. 또 퍼포먼스 하면 또 우리 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 와. 네, 자, 그런 의미에서 이번 부문 수상자들은 다양해진 음악 소비 패턴을 이끌어가는 리더라 할 수 있을 것 같은데요. 그러면 제가 발표를 해도 되겠습니까? 하지 말라면 안 할 겁니까? 아, 죄송합니다. 네, 제가 발표를 해보겠습니다. 2022 멜론 뮤직 어워드 베스트 퍼포먼스 남자 수상자는요? 획기적인 퍼포먼스로 음악의 즐거움을 충족시킨 투모로우 바이 투게더 올해의 베스트 퍼포먼스 수상자입니다. 축하합니다. 와라 바나나 보모니 야바토 무인도 방어미 발에 Oyo odombo alobaka na basi na ye, batu pamba, bana ya Dragon Rouge. Mwana biso ya mibale, na mwana biso ya misatu. Lelo oyo bo kende partout, esika ba koreye bazali, botu na bogoyo kasango. Bango wana, bana ya mutu pamba, famille ya batu pamba. Congolais zoba. Congolais aza zoba. Naïf. Bon. Bino batu bokote laka odombo. Bo benga ye ayako bimisambongo ya batu. 11 000 euros. Balé. Ezalaki Dragon Rouge. Tozo lande la kuna na Congo. Ndenge nini. Kizenga zo wumba. Kalamingite. mwana meni kongo nguli ya kama kiyanji kola. Bye bye.